Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30. Vous êtes à La Vie en BD ici sur CKRL 89.1. Toujours votre rendez-vous pour plonger dans la sphère du 9e art. Et après une petite pause vendredi dernier, mais un doublé dans le cadre du Festival Québec BD, eh bien, on poursuit un peu dans cette veine cette semaine, puisqu'on avait envie justement de poursuivre un peu et de profiter de la présence à Québec de plusieurs invités internationaux. Et dans les invités internationaux du festival, ben évidemment, il y en a qui viennent pour le festival, mais il y en a qui viennent également dans un contexte de résidence autour du festival. Il y en avait quand même 4 cette année, donc, et d'autres résidences qui s'en viennent également. Donc vraiment, Québec BD qui est très actif avec différents partenaires dans ce contexte. Et donc, on avait envie d'en profiter. Et d'un côté, en deuxième moitié, mais d'aller à la rencontre de Sandra Cardona, qui est en résidence un peu par le biais des villes littéraires de l'UNESCO, puisqu'elle est de Barcelone, donc qui est dans le réseau de ces villes avec Québec, qui est arrivée il y a quelques temps déjà. Et Sandra Cardona, donc, qui nous livre une bande dessinée il y a quelques mois de ça autour de la sphère culinaire. Alors, on avait envie d'aller explorer un peu ce travail, cette BD qui s'appelle Bouillon, mais également de profiter de sa présence à Québec, ben, pour la connaître un peu plus, pour découvrir son travail et vous le faire découvrir également par le fait même. Alors ça sera en deuxième moitié d'émission. Et en première moitié, eh bien, on a une autre autrice donc qui fait un beau parcours international d'ailleurs dans sa vie personnelle, qui l'a menée du Japon jusqu'à l'Allemagne, jusqu'à Londres où elle réside actuellement. Et elle est en résidence ici à Québec dans le cadre d'un partenariat avec le Lakes International Festival et Québec BD. Donc des résidences croisées qui se sont mises en place il y a quelques temps de ça. Et d'ailleurs, il y avait d'autres invités du festival, Luke McGarry entre autres, qu'on a rencontré la semaine dernière, donc qui était en résidence dans le contexte qui était de passage en fait dans le contexte de cette collaboration. Et Mikiko, qui est très présente, entre autres, sur la sphère web. Vous avez peut-être et possiblement déjà vu son travail sur une plateforme ou une autre. Donc, on va de différentes pratiques et, entre autres, ben, actuellement, une BD à caractère un peu d'autofiction. Alors, on va aller discuter de tout ça avec elle dans quelques instants. Alors, c'est le menu de cette semaine, ici, à La Vie en BD. Et on plonge donc ici à La Vie en BD vers l'univers et le parcours de Mikiko qui est avec nous en studio. Mikiko, bonjour. Bonjour. Alors, on va faire l'entrevue en langue anglaise puisque, dans le fond, pour une longue conversation, ça va peut-être nous permettre d'aller tirer le maximum de votre présence ici. Mikiko, you've moved from place to place quite a lot. You've born in Tokyo. You grew up in Hong Kong, in Germany, in Belgium. So that's why you know a bit of French also. And now you live in England. So I guess comics were kind of your home growing up in a way. Yes, exactly, actually. So my mother is Japanese and my father's German. And it was very difficult for me growing up moving so much. And manga was just, for me, really a piece of home that I was taking everywhere. And it was easier to draw manga than to make friends when you move around every 2 years. Yeah. Yeah, it becomes a way to communicate also. Exactly, yeah. It was very difficult, I think. Even though it was a wonderful opportunity growing up, it was still difficult. And you said manga was your gateway to the world of comics. I've seen that it was around 12 years old that you've seen and you read Yu Yu Hakusho, and that was the start of your journey as far as comic goes. Yes, I had actually seen a lot of manga before, but that one was the first one where I said, as a 12-year-old, I thought, somebody does this as a job. This is so cool. I want to do this too. And my parents weren't that thrilled at first, but eventually they realized I was too stubborn and I kept drawing nothing but manga. And so, yeah, now I'm here today. And what was different with this one that the 12-year-old you saw and that actually you said, that's a job I want to do too, besides the other mangas that you would have seen before? I guess I really like the genre. It was a Shonen Jump, which is kind of a genre for boys. It's mostly fantasy adventure, a lot of fighting and, you know, crazy stuff. And I had just never seen anything like it. But I think the author especially impressed me because of his range of emotions that he would depict. And I felt like what I was feeling inside was actually on paper in front of me. And that was something that completely struck me as new and impressive. Yeah, I guess the emotional connection is what makes this medium quite special. And the fact that you're working mostly web-based, so you have built along the years quite a community around you that you can communicate this emotion as you received it as 12 years old and still try to give the same experience to your readers. Yes, I actually find it incredibly fascinating because one of my webcomics speaks to a lot of people. So when they read it, they tell me their own experience. So it's really like a mirror. It reflects everything back to me, seeing, and it's a great feeling knowing that you're not the only one going through this particular situation. So yeah, it's great. You know, we're kind of back at as the with the comics as a way of communication. Yes. And the manga itself, the first one that struck you was Yu Yu Hakusho, but along the way, I guess you've gotten some influences from various authors, some stuff that you decide to share with them a bit and to make it yours, to develop your own style. Yes, so I started out with Yu Yu Hakusho, but I stayed within the Shonen Jump genre for a long time, so I really liked a lot of stuff like Bleach and Naruto and these things. But as I got older, I started to really enjoy more mature scenes, more mature themes, such as just the life of adults and like philosophy and other things. And those are called seinen, which I quite enjoy nowadays. And I also really enjoy deep psychological themes. So it's very strange because I draw very colourful things, but the things I read are generally quite dark and complex. So there's a huge difference. Yeah. Is this something that you want to explore along the way, something more in the line of what you read instead of what you prefer to do? Or? I would love that. Unfortunately, I just have so many stories that I need to work through first, that I need to make space first in my schedule. Yes, but I would absolutely love to pick up something that is, you know, deeper, darker. That makes you think more, but it's risky because the simple humor often is very easy for me to reach my audience, while complex themes are much a different audience. So, yeah. And you were a reader first. You started eventually to draw also. You've got yourself your first tablet at around 15 years old. Mm-hmm. So you've been working digitally since, but also traditionally, both sideways. Yes. So my mother has also always been a painter, and she also drew portraits and things when I was a little kid. So I used to watch her work with traditional media a lot, and that's how I started. At 15, my father finally realized that, you know what, this girl is going to stick to her guns and she's not going to change. Let's get her a tablet for her birthday. And so I got one of those quite early on. And it was very difficult at first, but I knew that digital was going to be the future. And so now I pretty much decided to phase out my traditional work just because of the way I work. I work on the internet and I have to be fast, and my clients want changes occasionally, which is much easier to do digitally. And so eventually it's just become a stylistic choice as well. So, yeah. And with the tools that they give you with these platforms, you can kind of mimic the way the paper makes things. But I guess the difficulty with digital medium is that eventually you have to stop making change and accepting the work the way it is, instead of always making it more perfect or in a way. Yeah, I guess it's very different. I actually find it more difficult to make a digital look natural because it lacks the flaws that traditional media has, and for some reason to us it looks more real when it's flawed. So it's actually something that I find took me longer to perfect than actually drawing traditionally. And I still draw traditionally when I want to relax, so it's actually easier for me to do. So yeah, it's interesting. It's different. And you work, as you said, and as we said, on the web. Donc, it's the main way that you got yourself out there, in a way. Mm-hmm. That there's a lot of stuff around that also. And in the web, you do comics, but you also do character designs, storyboards, illustrations. So it's quite varied. I guess there's a bit by necessity. You need to have a presence, not necessarily daily, but regular. And it can't always all be comics either. So it depends on the platform, what you do on Instagram, what you do on DeviantArt, and such. Yeah. This actually started purely out of the fact that I wasn't successful at first. So experimenting and challenging myself was the way to get jobs. So I had to get people to pay me to draw first. And that meant trying out new styles, or, you know, someone would approach me and go, "Do you draw?" And then insert random thing I've never heard of before. So you kind of are forced to try out things. And I've never really specialized for a long time. And now that I'm successful enough, I actually phase out these jobs because I can actually just draw comics and just live with that. But that's the reason I started doing lots of different things. Nowadays, I find that doing different things keeps me creatively engaged because I get bored very quickly. Yeah. Yeah, so it's a bit by necessity that you need to do some quick stuff, just experiment with a new palette, with a new new tool. So you do maybe a bit more by illustration, character design and stuff. Mm-hmm. And integrate these in your comic work? Yeah, it's great because not only is it a challenge each time, I also grow artistically as I do it. So to me, it's become a big, important part of my work, because I think one of the nightmare scenarios for me is that in 10 years I look back and I haven't changed at all, not improved in that sense. So yes, I do want to get better every time I draw something. I want to learn something. So yeah. And I guess the counter argument with the web presence is that eventually people are awaiting some kind of style or type of comics from you. With the mini comics, they're quite successful. Most people on the web know you by these comics. It's easy to go in one direction and have difficulty to explore other stuff on the side. Yeah, that's actually very true. When people only know one part of you, it gets very difficult to break free from it, in the sense that people will comment saying only, "Oh, when's the next comic coming out?" instead of looking at the, you know, 2 week long work that you spent drawing one wonderful illustration that you love. And people are like, "No, we don't care. We want to see the next comic." That gets really frustrating. So I think all of that is planned on my part, that I vary it up as much as I can, so people expect me to do different things regularly. And then if there's a comic in there in between, then they're happy too, you know. So try to please as many as possible without, you know, losing my own identity. Yeah, and being able to do autofiction as well as a fantasy illustration and stuff that that is more stylistically complex in a way. Yeah, exactly, because I don't think I could just draw mini comics all the time. I would get bored very quickly. I haven't drawn one in a little while. And I know some people are very impatient about it, but right now I just have other things I want to do, and it should be okay. And as far as I've spoken, so for the listeners, the mini comics, I said it quite popular on the web, may make you a bit known out there. And just to figure out, you did a Kickstarter a little while ago, and it took quite about 12 hours to get all 100% of your objectives. Yeah. And everything was just over the top. So it goes to show that there's a community. There's a community that you've built around you. Yes, and the interesting thing is that all my comics you can read online for free, and people still decided it's good enough, I want a book of it. And I think that's a huge compliment. Yeah. Yeah, I guess as readers, we're attached to the object. It's not the same having the book than just reading it on the computer screen. Yes, that's true. I also believe, despite ebook being very useful and practical for travel or whatever, people will never stop reading books. I think some people are worried that ebooks are going to replace things. So I don't think so, really. It will need to eventually grow as something else. Yeah. Just than a copy of the book. Yes. Do a full circle on your social media work. Actually, your success online led you to become a social media influencer for Adobe. Yes, that's right. That was completely a surprise for me as well. But they approached me, and it turned out that a guy on their team was a fan of mine, and he had been watching me for a while. And he just, there was an event that came up, and he said, well, she's perfect for this, so let's just ask, maybe she'll want to join in. And so I did, and it was amazing. And I think about 90% of what I do comes through the reach I have on social media and people talking about things they've seen online of me. And very often when I go to events and just show my work, they're like, oh my God, I've seen this somewhere. So there is something to say about just putting your things out there for people to read. It's a huge effect. Yeah, and for many people, it's a risk also, because you kind of risk losing the intellectual property of the thing, because it can be shared and so on through memes and stuff like this. So you kind of have to accept the risk of losing control. Yes. I used to be much more upset over this as well, because you do feel sort of betrayed when you find it somewhere and someone's, you know, clipped off your watermark. But I think the important part is knowing your rights, knowing that you don't lose what is yours. It is your property forever. And also sort of educating the people who are doing this that it's not okay. So for me, I just turned the situation around, because I had no control over people sharing it. So I decided that as long as people link me back, I will allow it happily. And so when I found these posts and somebody didn't link me back, I would just message them and say, can you please add a link? That's all I asked for. And if they didn't, then I would do something to have it taken down or something. And this has been so effective that now fans of mine go around and tell these people that. So I don't even have to do it anymore. that's good, because I guess that will be time consuming to monitor all the stuff. Yeah, but now my fans really look after me. So they even message me going, did this guy get permission to do this? What about this person? And if I say no, they go and do the work for me, because they know that I don't like it unless there's a link. And it's like, now it's free advertisement, because people are just sharing it and telling other people, hey, this is the person who made it. That's the big difference. If there's a name attached, then it's fine. And that's the way you can see the success. Also, if you succeeded in having a good social media presence, and I guess that will be a lot of work to put out there and to maintain. You've got an Instagram, DeviantArt, Twitter, Facebook, and so on. So I guess that will be quite a work, because you can do on Instagram the same thing that you do on your website with the mini comics. They don't really go there because in the same format and stuff like this. So how do you maintain all of this and manage to actually also work on the side with the other contracts and the books and stuff like this? Well, it used to be only a couple of things, and then it got out of hand because social media just exploded. It has been a problem, actually. So I have phased out some pages over others, and it's a constantly changing thing. So currently, Instagram is the biggest thing for me. So that's the place I'm most active. I use Twitter very rarely, but I'm checking it regularly, but I don't have a big following on Twitter. So that one is more, oh, when I'm traveling, I want to chat with people, I'll use Twitter. And then Facebook, unfortunately, has become a place where I just get spammed by bots, so I just closed it down. So it really is depending on what's current. if there's a new platform that comes up and it's worth my while and it's important for me to build my audience more, then I will do it. But now I'm trying to sort of downsize it a little bit because I want to focus on my comics and my work. Yeah, and that's quite like you've got to work on your tools and your art and grow as an artist. And also, you've got to grow as a social media manager, and the tools that they're out there, they're all not the same. So it's another thing that you've got to get as well as the like freelancer work and stuff. So it's lot of the cordes à son arc, en fait, lots of stuff that you need to understand and to excel at. Yeah, so I see myself as very much a businesswoman as well, and I think I just separate between artist and business, and so social media falls under the business aspect. So because it's so difficult to manage everything, I have very strict hours of when I do work and when I do art work. So for me, the mornings are generally work, you know, writing invoices and emailing everybody and doing social media. And then at lunchtime, that's where it ends, and I don't do it after lunch. And that's kind of the rule I've been trying to keep at. It always changes when I'm outside of my comfort zone. Like right now, I'm traveling and I'm enjoying Quebec, so it's a bit different because, you know, I get invited here and there. So it's okay. It's like a holiday. But at home, I'm very strict, yeah. And of course, there's the web stuff and there's the book stuff also that's always present. And you've initially mostly worked with various independent distributors, more and more you've actually doing your printing a bit yourself as another thing that you do a bit freelance, and you control these aspects of your product. Yes, I used to be published with Tokyo Pop Germany, and I've had a couple of other publishers that I've worked with. And at the end of the day, I quite prefer just having control over my own product. And so now it's actually become more important for me to print my own books than to take on jobs for, you know, companies to draw cover work or something like that, just because my fan base has grown enough that is my full-time job now, to sell my books to my fans and go from event to event and sell them at the events itself. So yeah, it's a case of priorities shifting and importance of things changing as well. And I'm quite happy the way it is right now. Yeah, and I guess when you look back in 2007, when you start with your first book, Lost and Found, and you were the art director also for this small editor, and the stride that you've made since as an artist as well as a businesswoman. So that must be quite satisfying to see the road traveled. I think, yes, it was essential that I actually did some graphic design at that time, because now I can actually do my own packaging of my own books and all of that, and I've learned so much over the years. So yeah, I would consider myself quite the jack of all trades, because out of necessity, but you know, I like my independence. And the mini comics, the main thing that you're doing right now, there's other stuff also, but let's focus on that a bit. These stories are autofiction based on your own life, you've decided not to do like strips can with like X panels and X boxes and stuff like this, but give you a bit of freedom in the way that you put the architecture of the things and the way that you present it. Yeah, originally I did not do a lot of planning because I didn't know it was going to be that popular. I honestly had only drawn it for a friend at first, so the format was terrible in the beginning. And then as time went by, I realized this was so big, I had to start working more structured. So if you look at the first few strips versus the last few strips, you can see that the last ones fit on a page properly. So I did adjust it over time. Again, it's a learning curve, and the current book is about, I don't know, 7 years worth of material, so there's quite a difference. But yeah, I think for the future, it's much more planned out. And it's inspired by your life. And most of the autofiction people that I meet, they say that eventually they start seeing the potential of the events in their life as, oh, yeah, I could spin this this way in comics. And they have usually maybe a small thing to give, say, get some idea, don't forget. Is it the same with you? Or? Yes, absolutely. I've gotten so far that I even tell my friends, oh, do you think it's a good idea if I draw this? Or, you know, it's the first thing that comes to mind when I'm going to think about somebody's birthday gift. It's like, oh, what funny things did I experience with them that I can draw? So, yeah, it really follows me everywhere. But to be honest, everything that happens like that is an inspiration to me anyway. So I think it's healthy. And you don't force yourself also to finish with a joke. So at times, yes, it can be funny. At other times, you just focus on something charming and warm, like the anecdote with your mother that goes and gets you sketch that you throw out and put them on the refrigerator. So it's not funny, but it's charming, it's warm. So you go with different type of emotions and don't force the joke if there's not a joke needed. Yeah, I don't consider myself particularly funny. So it's more like something happened and it made you smile, and that's good enough for me to make a little strip out of it. The only rule I have with these comics is that it has to be positive. I don't draw anything which end on a negative note, because the whole point of this is to connect and to communicate and to sort of tell people you're not alone. So that's the most important part. And I think if I can make people feel better, then sure, I'll do it. Yeah, and they want to share because it made them feel good, feel nice, and they want to share this experience. It's a bit more positive because usually, yes, it's easier to get people behind the angry stuff at times. So. Yeah, and I think some people, I've had fans tell me that my comics have managed to improve their lives, and it sounds kind of cheesy sometimes when you just say it, but it meant a lot to them. And some people who came out of like bad depression by reading my comics, and that means so much to me, just knowing that. And I think it's a big reason for me to continue doing it as well. And of course, there's other stuff around, like you just finished a while back, but a short story, Crimson, that is actually distributed in the collective Traces de la Grande Guerre, so, which is available in French also, in which you are featured alongside like people like Brian Talbot, Charlie Hadler, John Diaz Canales, and David McKean, and others. So it's I guess it's kind of a pat on the back to be alongside people that are renowned for their work in comics also. I have to admit, when I was asked to join, I had no idea who these people were. Because I come from manga, I just didn't have any contact with the BD scene, the Franco-Belgian scene at all. So aside from a couple of things that I've read as a child when I lived in Belgium, I didn't really know anything about the others. And as I was drawing and as I was invited to these events and met people and talked to people and then Googled them afterwards, I suddenly realized just how big of a deal it was. And over the months, it's just grown into this huge project that I'd never thought I'd be part of. And I'm absolutely honored that people thought that my work is good enough to be amongst them. So yeah, I'm very grateful. So you can say that your work actually made your way to the Franco-Belge scene and to the comic scene also in a way. Yeah, yeah. And I think it's the reason I'm here today as well, because I just met so many people and they were so welcoming and friendly. I always thought that as somebody from manga, it's difficult because of the style and people have quite a lot of prejudice. But it just ended up being the opposite. Everybody was curious to hear my side because it's different and it's interesting because they'd never worked with somebody like me before and such. And I felt like really, really creatively charged as well. And I hope that I get another opportunity like this. And you're in Quebec here since a few weeks already. Partnership between Quebec's Festival Québec BD and the Lakes International Comics Festival. Glad you're here. And you're here to work on a project related to this collaboration, I think. I was told that I can work on any project I want, so I decided I wanted to continue with what I've already been working on. And essentially, I recently released volume one of in English of a comic manga called Crash and Burn, and it's kind of a remake of an older one that I'm just sort of freshening up. So I'm working on volume two right now that a lot of fans are waiting for. So yeah, it got some prizes in 2016, I think. Exactly. Yeah. Yes, that's the one. And we can see the volume one also if you want to see a bit what it looks like. It's quite different from mini comics, so it goes to show that you've got different styles on the oven in a way. Yeah, so that one is much more serious, and it was created in a time where I was struggling as an artist, and I think the theme of its music and how to succeed as a musician. So it's like the creative struggle in general is something I identify with quite strongly. Yeah, I've read somewhere that you said that if you didn't succeed with this one within a month, that you'd do something else. But a call came at the right time. Yes, I was about to quit drawing as a job, actually. And then I got an offer to publish this, and it pretty much saved my career. So being now working on the second one, also there's the road traveled aspect of it. Yes, absolutely. And I hope I can get it done by autumn. If I'm being optimistic, but yes. And we can discover stuff, as I said, on the web. You're about everywhere. We search Mikiko, Mikiko Art, or Zombie Smile, your teen nickname. And we can find you in different platforms. So there's a website, DeviantArt, and Instagram mostly, and other places that lead you to these three places. Yeah. Mikiko, have a nice end of trip in Quebec. Thank you very much. Donc Mikiko, je remercie. Si vous voulez découvrir son travail, il y a beaucoup de matériel évidemment sur le web, site web et différents médias sociaux. Donc, il fallait jeter un coup d'œil. Donc, simplement cherchant Mikiko, Mikiko Comics, vous allez les trouver, ou sinon Zombie Smile également. Alors, on va prendre une courte pause et au retour, on reste justement dans les invités du Festival Québec BD. On va rencontrer Sandra Cardona. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et on reste justement dans la sphère, dans l'univers autour du Festival Québec BD. Quand même beaucoup de beaux invités internationaux qu'on avait envie de rencontrer. Et on reste justement un peu dans cette lancée avec notre prochaine invitée. Elle est de passage à Québec depuis Barcelone. Sandra Cardona, bonjour. Bonjour. Alors, on a déterminé votre français était meilleur que mon espagnol. Alors, vous allez tenter l'expérience en français pour la rencontre. Merci. J'essaie. Alors, on va situer votre plus récente BD. Ça va être un peu le cœur de notre discussion d'ailleurs. Plus récente BD qui s'appelle Bouillon, scénarisée par Olivier Milot. On se lance dans la sphère culinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être d'emblée, mettons les cartes pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de la lire. Donc, pouvez-vous nous parler un peu du projet, de ses origines, de son propos? Oui. Bon, l'aventure commence quand Eugénie, la jeune femme très... Bon, la protagoniste de l'histoire, arrive à l'île de Bouillon pour une offre d'emploi au Caldo, qui est le restaurant le plus célèbre de l'île. Et le problème, c'est que cette offre n'était pas laquelle elle attendait. Et de toute façon, elle accepte un poste dans la brasserie de Bouillon. Et c'est à partir de ce moment qu'on commence à connaître les coulisses de Bouillon, les problèmes dans la brasserie, à découvrir des personnages et tout ça. Et vous avez choisi de travailler ce projet avec Olivier Milot. Oui. Oui, parce que je connaissais beaucoup son travail, j'aimais bien ce livre. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas me contacter avec lui et essayer de faire une collaboration ensemble. Et c'est à partir de cette idée que je l'écrivais sur Facebook, parce que j'utilise beaucoup Facebook, mais seulement pour travail. Et vraiment, nous commençons à parler et nous nous sommes dit, oh, mais on partage beaucoup de choses et on doit faire quelque chose. C'est comme ça que voyons, on a commencé à... Et ce projet-là, pour vous, en termes de parcours, c'était un peu un retour vers la BD. Oui, parce que j'avais publié déjà quand j'avais fini mes études d'art. Ça fait 10 ans, plus ou moins. Et après ça, j'avais reçu une offre de travail comme maquettiste dans une entreprise catalane et j'avais accepté. Le problème, c'est que même si j'ai travaillé comme maquettiste, je n'arrêtais jamais de penser à la bande dessinée. C'est tout. Alors, il a fallu replonger. Il a fallu se lancer. Oui, c'est ça. Et dans le fond, qu'est-ce qui vous a amené à vous relancer avec un projet culinaire? Le coupable, c'est Olivier, parce qu'il a un problème avec la cuisine. Il l'aime beaucoup. Il est super passionné de la cuisine. Et pour moi, c'était un vrai défi parce que je ne cuisine pas beaucoup. Il y a beaucoup de recherches par rapport à la cuisine dans cette bande dessinée. Alors, donc, beaucoup de travail pour voir les plats, découvrir un peu à quoi ils ressemblaient, des discussions avec Olivier pour bien saisir un peu oui. La nature des plats qu'il voulait intégrer. Oui, oui. Justement ça. Et en fait, il y avait des choses qui me faisaient changer un peu parce qu'ils n'étaient pas autant proches de la réalité comme ils voulaient. Il y avait beaucoup de choses à faire par rapport au plat. Et dans le fond, c'est j'ai l'impression que les récits culinaires, il y en a eu quand même quelques-uns documentaires, mais de récits de fiction qui se passent dans l'univers culinaire, j'ai pas l'impression que c'est un créneau qui est très exploité. En fait, il n'y a pas tant de bandes dessinées. La fiction est rare, en fait, dans le domaine. Oui, c'est un peu rare dans ce domaine. Le but d'Olivier était d'avoir un lieu qui est lui-même un personnage à part entière, dans un univers décalé par rapport à un autre, et de faire évoluer les personnages dans cet univers et tout ça. Et donc, il a fallu, pour vous, d'un côté, la recherche culinaire dont on a parlé, et de l'autre, il a fallu que vous inventiez l'île aussi, donc de faire de la recherche visuelle pour inventer ce lieu-là. Oui. Oui, on avait clair que ce que nous voulons avec cette île, il était un univers différent, avec beaucoup de coulisses, avec beaucoup de restaurants. Mais à la base, c'était une île de pêcheurs. Donc, il avait beaucoup de travail là-dedans, beaucoup d'histoires qu'on peut voir à l'image. Et en termes du côté fiction, peut-être si on ancre un peu le récit, vous en avez donné quelques éléments. Donc, on raconte les aventures d'Eugénie Croque-Bol. On est dans un récit culinaire, oui, mais il y a aussi un côté policier, il y a un côté un peu enquête là-dedans. L'idée était de faire une histoire policière plutôt légère, mais qui renforce le caractère des personnages. La cuisine est toujours présente, mais ce n'est pas le sujet principal. En fait, voyons, c'est un mélange entre fantasy, comme je te disais, pour le côté visuel, et un roman policier. Et donc, côté mise en scène, entre autres, ça nous permet de passer d'un rythme à l'autre, des moments où on est plus dans des conversations, des moments plus culinaires, des moments plus enquête. Donc, ça fait plus de variété pour vous? Oui, c'était cool de changer à chaque scène l'environnement. J'aime bien avoir toujours les mêmes endroits, les mêmes choses, et varier un peu les... Et il y a aussi un côté humain là-dedans. Dans le fond, il y a le personnage d'Eugénie. Il y a un chef qui est un peu moins sympathique. Oui. Et il y a sa colocataire aussi, Bigoudi, donc ça vous fait différents personnages aussi à mettre en interaction. Pouvez-vous nous parler un petit peu peut-être de l'amitié entre Génie et Bigoudi? Oui, Bigoudi, c'est particulier comme fille, c'est super différent de Génie. Et ce que j'aime bien de cette amitié, c'est que même si elles sont très différentes l'une de l'autre, elles se comprennent bien et c'est toujours, on les voit dans certaines scènes. Et c'est bien ça, j'aime bien. Et Sandra Cardona, j'ai l'impression, peut-être si on revient à l'aspect visuel de la bande dessinée, est-ce que c'était, on a déjà donné quelques indices, mais détaillons un peu, est-ce que c'était un défi particulier de porter l'univers culinaire en BD? Le vrai défi était de dessiner certains plans et faire qu'ils avaient l'air d'être appétissants. Il y a un grand travail de recherche derrière, comme je t'avais dit avant, et il y avait des plats qui étaient si rares que j'ai eu des problèmes pour les trouver des photos sur Internet. C'était Olivia qui m'amenait les photos, qui m'envoyait les photos pour mail, parce que pour moi c'était impossible de les trouver. Il aurait fallu que vous les fassiez cuisiner. Oui, c'est ça. Non, mais non. Et parce qu'en même temps, ce qui frappe dans Bouillon, c'est... enfin, pour vous, Sandra, il fallait vous approprier les plats décrits par Mio. Il fallait rendre ce qu'il décrit. Il fallait rendre aussi le côté tridimensionnel du plat, donc la chaleur, l'odeur. Donc, il fallait rendre la couleur du plat. Il fallait rendre l'expérience de culinaire aussi. Oui, c'est le défi vraiment de que cette odeur et ces saveurs arrivent au lecteur. Et je joue beaucoup avec les fumerolles de plat pour faire arriver justement au lecteur tout ça. Je trouve que les Japonais font très bien ce type de choses. Il y avait un manga que j'ai regardé quand j'étais petite et qu'à chaque fois que le personnage goûtait quelques plats, tu pouvais imaginer ce qu'il sentait. Et c'est ce que j'essayais de faire avec Bouillon et avec tous ces fumerolles de plats et tout ça. Et est-ce que le fait, justement, vous disiez, la nourriture, c'est moins votre univers, donc vous l'avez découvert en faisant Bouillon. Est-ce que ça vous a intéressé particulièrement à l'univers de la nourriture? Ça a changé un peu la dynamique que vous avez avec les plats ou c'est vraiment, vraiment plus visuel, puis le travail pour rendre? C'est plus le travail visuel. mais bon, je suis très contente que quelqu'un, quand le lise, on me dise qu'on peut sentir l'odeur des plats. Et bon, avec ça, je me sens déjà satisfaite. Et côté visuel... En fait, il y a un élément un peu... et ce qualificatif que j'ai vu très présent aussi dans les commentaires autour de l'album que j'avais envie de m'approprier, mais il y a un côté un peu art nouveau, presque dans ce que vous proposez. Oui, beaucoup d'art nouveau et différent. Il y a beaucoup d'influences, mais surtout il y a de art nouveau dans les livres. Peut-être parce que je suis de Barcelone et un peu c'est pour ça. En fait, j'avais lu à quelque part qu'il y avait l'esprit architectural de Barcelone vous inspirait beaucoup. Oui, c'est ça. C'est l'architecture. Bon, l'architecture en général, c'est l'une de mes ressources principales d'inspiration. Et à Barcelone, est très très présent le modernisme dans n'importe quel coin, des anciennes pharmacies, des boutiques, des bâtiments. Et je voulais mettre un peu de tout ça, de ma vie, dans cette bande dessinée. Et nécessairement, ça vous permet de l'ancrer un peu dans votre quotidien aussi. Puis j'imagine que votre style s'est beaucoup développé au contact aussi de Barcelone, au contact des écoles d'art qui s'y trouvent, de l'école que vous avez fréquentée aussi d'ailleurs, l'école Joso. Mm-hmm. Oui. Et on pourrait y revenir tout à l'heure aussi. Peut-être poursuivons un peu sur le trait. À défaut d'un meilleur terme, il y a un côté subtil. Et j'ai vu aussi le qualificatif féminin lui être accolé aussi. Oui, on me l'a dit beaucoup. Que le trait fin, subtil et féminin sont les choses qu'on me remarque plus de moi. Et bon, c'est vrai que j'essaie toujours de faire la chose la plus belle possible. Même si la scène, c'est un peu violente ou quelque chose, j'essaie de la faire le plus délicatement possible. De changer bien les plans ou ne montrer pas beaucoup de choses qui peuvent être un peu compliquées de voir. Donc, on adapte, puis... Oui. Ça permet un peu en même temps, j'imagine, c'est veux pas, c'est votre sensibilité à vous que vous amenez dans le trait puis dans le type d'univers que vous proposez en BD. Oui, c'est ça. Et si on cherchait en fait aussi un univers cinématographique, je sais, parce que pour les gens qui n'ont pas nécessairement les références, en fait, est-ce qu'on pourrait parler des films de Wes Anderson comme peut-être un autre référent, peut-être Grand Budapest Hotel ou d'autres, là? Oui, bien sûr. Bon, les films de Wes Anderson sont une des choses que partageons Olivier et moi, que nous avons en commun. Et les deux voulons mettre un peu de cet univers bizarre. Et évidemment, il y a beaucoup de lui à Bouillon. Les couleurs, les personnages, un peu particuliers, tout cet univers. Et à ça, on peut ajouter aussi d'autres influences, peut-être du côté du manga, de l'animation japonaise. Oui, plutôt les films de Studio Ghibli, comme Chihiro, Les Châteaux Ambulants. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Bah, c'est un autre univers aussi. Il y a beaucoup de choses à apporter, à apprendre. Et à ça, on ajoute aussi, en fait, les personnages, évidemment, qui viennent peupler. On en a parlé un peu dans le caractère. Mais maintenant, comment s'est passé le casting, justement? Bon, j'aime beaucoup travailler les personnages. Et surtout, dans cette occasion, parce qu'Olivier a créé des personnages avec beaucoup de personnalité et beaucoup très différentes entre eux. Et tous, pour séparer, ont beaucoup de charisme, même s'ils étaient des personnages secondaires. Et en fait, mon personnage préféré seulement apparaît deux fois dans le livre, mais je trouve qu'il a beaucoup d'histoires derrière et j'aimerais bien savoir plus de lui, même s'il n'est pas super important dans l'histoire. Peut-être dans un tome 2. Oh, j'espère, oui. Pourquoi pas? Et je parlais tantôt de votre formation en art. En fait, vous avez donc un passage à l'école Joso, et c'est ce parcours-là qui vous a amené éventuellement vers l'univers de la bande dessinée. J'imagine que c'est venu, ce passage-là, contribuer fortement à bâtir votre style, votre univers visuel. Oui. J'avais commencé à l'école avec un style très, très manga. Et une fois là, certains professeurs m'ont fait découvrir la bande dessinée franco-belge. Donc, mon style a évolué beaucoup après mon stage à l'école Joso. Et bon, j'ai beaucoup d'influence là. Et au niveau de Bouillon, on l'a dit, il n'y a pas nécessaire. En fait, le deuxième tome, on aimerait bien le faire. Il y a matière dans ce récit-là, on l'a dit, à explorer, à révéler, à aller plus loin dans l'univers de cette BD-là. Oui, je trouve que Bouillon, c'est un bande dessinée différent, qui a des personnages très riches et qui a beaucoup de secrets qu'on n'a pas encore révélés. Et je crois qu'Olivier, il y a des choses écrites, mais il ne veut pas montrer encore. Je ne sais pas s'il y aura la suite, mais j'aimerais bien le faire. Et en terminant, Sandra Cardona, vous étiez de passage à Québec au fil des dernières semaines dans le cadre d'une résidence en collaboration dans la suite un peu des villes littéraires de l'UNESCO. Bon, Québec et Barcelone sont membres de ce réseau-là. Vous êtes venu pour différents projets, puis pour, j'imagine, travailler sur des projets personnels. Oui, je travaille dans deux projets personnels qui sont en train de, développer maintenant. Mais j'ai participé aussi pendant quelques jours aux démonstrations de l'usage numérique en la bande dessinée dans le réseau de la Bibliothèque de Québec. Et c'était comme mon apportation pour le festival bande dessinée. Une belle occasion d'aller à la rencontre des gens du coin. Oui, c'était bien passé parce que il y avait beaucoup de gens qui se demandaient comment on fait les bandes dessinées, et c'était le moment de de pouvoir parler avec lui, faire un peu de... les trucs du magicien. Oui, c'est ça. Et en fait, je vous souhaite d'ailleurs une bonne fin de résidence. Il vous reste encore quelques jours ici. Mais... Oui, il manque une semaine, mais oui. Sandra Cardona, merci. Et merci de vous être prêté au jeu de l'entrevue en français, de langue seconde, dans votre cas, d'avoir évité l'espagnol. Alors, je rappelle, en fait, la bande dessinée de Sandra Cardona donc s'appelle Bouillon, donc sa toute dernière, avec Olivier Milo au scénario, et c'est disponible du côté de l'éditeur Marabout. Sur les ondes du 89.1, Raymond Poirier avec vous encore pour quelques instants. Peut-être en fait, on va prendre une ou deux minutes là, pour passer rapidement. Vous les avez sûrement vus sur le web, donc les prix qui ont été donnés, les prix BDIS Causa. Alors, je m'en voudrais de ne pas prendre quelques instants pour les mentionner en terminant l'émission. Alors, rapidement, dans le fond, on parle du prix donc pour le meilleur premier album francophone professionnel qui a été remis à Jean-François Laliberté, Sacha Lefebvre pour le premier tour de la série de science-fiction U Merlin. Il y a également eu les lauréats, donc les prix coup de cœur du jury pour un album francophone publié à l'étranger et le prix traduction, donc coup de cœur pour un album publié en français issu d'une traduction. Ça a été remis au BDIS Causa, donc à ceux qui restent de Joseph Busquet et Alex Gzoul, et au premier tome de Royal City de Jeff Lemire chez Urban Comics. Le prix Albéric Bourgeois, donc meilleur album de langue française à l'étranger, publié à l'étranger par des auteurs canadiens, a été remis à Michael pour le deuxième tome de Giant. Il y a également eu le premier prix Yvette Lapointe, donc meilleur album jeunesse publié par des auteurs canadiens. Ça, c'est la série Aventure Hasard, donc le tome 1 de Julien Paris-Sorel qui l'a obtenu. Et enfin, le grand prix de la Ville de Québec, donc album de langue française publié au Québec par des auteurs canadiens. Ça a été donné à La Petite Russie aux éditions Papav, donc des BD de Francis Dernay. Et petite mention rapide, il y a également Julien Dallaire-Charret qui a eu le prix le prix Jacques Urtubise avec une bourse pour un projet qui s'appelle Pogneur de fantômes, et également deux prix hommages qui ont été remis, un premier à Sylvie Rancourt, donc auteur autrice de Mélodie, et un deuxième à Paulin Lessard, donc qui est un auteur de science-fiction qui a publié au Saguenay dans la fin des années 40, donc de 47 à 49. Alors voilà pour cette édition de La Vie en BD, c'était Raymond Poirier au micro. Évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une édition du Club de lecture.